ça va toujours. Va danser le soir, mets ton cœur en fête. Commence une histoire. Si tu as besoin de tendresse, y a toujours quelqu'un quelque part qui va te rendre tes caresses. Mais faut donner pour recevoir. Salut auditeurs, auditrices de Radio Gamozo 107 FM. Vous nous suivez également sur le lien notre page et puis bien sûr Orange Radio. Salut à tous les amis Facebook. Voilà, vous êtes avec Gilou, Lia dans les années bonheur. On vous accompagne en musique et en direct jusqu'à 17h. Alors bonjour le Québec, bonjour la Suisse, bonjour l'Allemagne, bonjour la Belgique. Je vais dire bonjour l'Italie aussi parce que on a une auditrice fidèle par là-bas. Voilà, donc cet après-midi, ben, c'est une émission nouveauté et coup de cœur. Voilà. Bonjour Lia, bien sûr. Ah, bonjour Chilou. Tu vois, donc je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec une invitée. Oui. Voilà, Enola. Bonjour. Voilà, c'est bien. Les premiers pas en radio. Les premiers pas en radio, voilà. Je ne sais pas si elle suivra les traces de son papy, mais bon. Ah, bah on voilà l'espère. Hein, ça faisait longtemps qu'Enola voulait venir voir comment se passait une émission de radio et tout. Trop bien. Hein, c'est bien. Super. Alors, comme à l'accoutumée, vos messages, c'est sur nos pages Facebook respectives, Radio Gamozo et Gilles Mougel officiel. Vous pouvez nous appeler au 03 29 62 40 40. L'IA vous attend au standard. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Oui. Voilà. Alors, quelques nouveautés, bien sûr, et puis ben, quelques chansons de nos invités que nous avions reçus en faudeur, voilà. Alors, on va commencer par Abba. D'accord, génial, Abba. Donc, Abba. Bien, Abba. Donc, un nouvel album après 40 ans. Ça, c'est magnifique. Ça doit faire plaisir aux fans, ça. Ah, hein? Oui, j'en suis un. Ils sont encore tous ensemble? Non, ils sont plus. Enfin, au niveau musique et tout, enfin, si tu veux, bon, ils ont fait l'album, bien sûr. Ils sont restés dans des bons termes. Oui. C'est vrai que dans les années 70, c'était deux couples. Hein. Ah oui, c'était ils sont tous séparés maintenant. Ils se sont séparés même bien avant. Hein. Ils d'accord. Sont séparés au bout de pratiquement 10 ans de carrière qu'ils ont fait ensemble. Bon, ils n'ont pas switché, non? Non, ils n'ont pas switché. Je suis sûr que non, ça va arriver. Ils sont restés en bon terme et tout. Et puis chacun a fait un petit peu sa carrière de d'accord. Chacun de son côté. Toi. Les hommes étaient dans la composition, tout ça. Les dames, elles ont continué à faire des albums différents chacun dans leur. Et ils se sont retrouvés, voilà, pour d'accord. Faire cet album Voyage, intitulé Voyage. Et comme tu disais, tous les fans attendaient ça depuis 40 ans, t'imagines. Ça marchait les carrières solo? Ah, ça fonctionne un petit oui. Peu. D'ailleurs, ils ont travaillé aussi en solo avant de faire le groupe. Ils ont commencé à faire le groupe dans les années 72, j'irais 73. Ils ont gagné l'Eurovision en 74 avec Waterloo. Et oui. Mais avant, ils avaient un petit peu travaillé ensemble. Enfin, ils avaient travaillé en solo. D'accord. Ouais. Merci. Et puis ils se sont retrouvés, voilà. Et puis ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Ils se sont séparés. Non, mais voilà, ils se sont mariés et eurent beaucoup d'enfants, eurent puis beaucoup se d'enfants. Sont séparés. Ça sera la nouvelle conclusion de tous les livres. Non, mais voilà, donc voilà, mais ils sont toujours bien restés, tous bien copains ensemble. Hein. C'était chouette. Vraiment, c'était chouette et tout. Hein. C'était les années, tu vois, 70, ben oui. 80, les grandes bottes, les beaux costumes de scène et tout. Génial, ah, c'était génial. À la Claude François, un peu. Un petit peu à la Claude François, ouais, avec les super. Paillettes et tout. C'était vraiment super. Je dois venir de là-bas, moi. Et oui, puis bon, je les ai pas vus là-bas. Ils ont fait une tournée en France, mais j'ai pas eu l'occasion de les voir. Mais après, ben, de nombreuses années après, il y a eu le groupe ABBA Forever. Ah. Alors là, ils sont eux, c'est pareil, ils sont magnifiques. C'est vraiment ressemblant tout. Je les ai vus ben, en 2015 ou 2016, je sais plus, à oui. Vittel. C'est magnifique, hein, tu fermes les yeux, tu écoutes la musique, t'as l'impression wow. Qu'ils sont là. Quoi. Incroyable. Donc, j'avais un contact avec le producteur, je lâche pas. On lance pourquoi un petit pas appel. Qui viennent, oui, bien sûr, qu'ils viennent nous faire une petite émission ensemble. Mais oui. Ah oui, ils sont. sont les deux jeunes femmes sont toutes jolies, les deux gars sont tous sympathiques. Non, c'est vrai. Non, c'est vraiment, ils sont sympas. Voilà. Je vois. Donc on va s'écouter Don't Shut Me Down. Voilà, un premier single extrait de leur album Voyage. On écoute. While ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold. The rain begins to pour. As I watch the windows on the second floor, the lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Titre là-bas, voilà, ça fait plaisir hein, de réécouter ça. Oui. Alors, je fais un petit coucou à Chris, au fait, c'est vrai, j'ai vu passer Chris. Oui. Il est dans les studios, voilà. Il est toujours là. Et puis, ben, ce week-end, c'est Pâques. Et oui, c'est vrai, c'est Pâques. Est-ce que je voulais te raconter une petite blagounette. Vas-y. Non, mais elle est gentille. Ah, bah oui, j'imagine. Comment on reconnaît, tu sais, quand on a nos petits lapins en chocolat? Non, on l'y a. Voyons, j'ai ma petite fille qui est là. Oui. Comment on reconnaît quand on a des petits lapins en chocolat? Comment savoir si c'est un mâle ou une femelle? Tu sais ça? Non. Non, tu sais pas. Donc tu croques la tête. Oui. Si la tête est creuse, c'est un mec. Merci messieurs. C'est que des mâles alors, non? Non, je pense pas. Il y a peut-être des femelles aussi. Hein. Des fois, tu peux avoir des têtes bien remplies. Oui. Hein. Alors, je ne sais pas si elle est à l'écoute, mais je fais un petit coucou à une amie, Sandrine, qui on a mis sur Facebook. Elle a mis ça ce matin sur Facebook, en fait. Oui. Ça m'a fait sourire. Ah bah, tu mets un petit like. Merci, Sandrine. Merci, Sandrine de Moselle. Ah. Voilà. On continue. Allez, on continue. Allez, on continue avec Schmoll. Schmoll, vrai copain à Johnny, Eddie Mitchell. Ouais. Hein, tu savais qu'on l'appelait Schmoll? Non, pas du tout. Je savais pas, non, mais ça. J'ai cru que je m'étais encore trompé dans le. J'ai cru que tu faisais une blague encore. Ah oui, non, je suis sérieux, là. Donc, Eddie Mitchell, qui a sorti aussi un album, c'était en fin d'année, Country Rock. Ouais. Et là, il chante, nous interprète Ma Star de mes nuits. Mm-hmm. On écoute. Mm-hmm. Les mystères de l'oubli, tu le sommeilles toutes les nuits, obsédé par une mélodie, je l'évite, je reste en éveil, car je pense à toi. Si je rêve, c'est de toi. Ma star de mes nuits, mon étoile, ma mélancolie. Dix matins, courte nuit, un nouveau ciel. Chanson de Eddie Mitchell. Ah oui, ça c'est bien. Vrai. C'est vrai, il a encore une belle voix, Eddie oui, Mitchell. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, ouais. Très crooner. Ah oui, très crooner, oui, bien sûr. Puis vraiment, l'album est chouette. Hein. Oui. Une petite chanson country rock là, qu'il a fait, c'est. Ah. La connectique. Ça vibre. Non, mais je suis en silencieux. Ah oui. Oui, oui. Donc voilà, alors on va écouter maintenant Natacha Saint-Pierre. Ah génial, j'adore. Elle est jolie, Natacha Saint-Pierre, ah, oui. Pierre Chandbier, j'aime bien aussi, oui. Qui est aussi qui est canadienne, québécoise, Natacha Saint-Pierre. Oui. Il m'énerve celui-là. Donc Natacha Saint-Pierre a ressorti un album aussi avec un de ses plus grands succès qu'elle a remis un peu au goût du jour orchestralement. D'accord. Ah c'est super quand ils font ça. Et là elle interprète Je n'ai que mon âme, et ça c'est un titre qu'elle a chanté en 2003 si je me trompe pas pour l'Eurovision, pour le concours de l'Eurovision. Génial, je savais pas qu'elle avait participé. 2002 ou 2003 si pour la France. D'accord. Elle est terminée troisième. D'accord. Natacha Saint-Pierre avec ce titre Je n'ai que mon âme. On écoute. Puisqu'il faut dire, puisqu'il faut parler de soi, puisque ton cœur ne brûle plus comme autrefois, même si l'amour, je crois, ne se dit pas, mais puisqu'il faut parler, alors écoute-moi, et je n'ai que mon âme. Parler de moi, de juste mon âme, mon âme et ma voix, si fragile flamme au bout de mes doigts, dérisoire ça, pour parler de mon âme. Même si tu dis que je fais partie de toi, que notre histoire nous suivra pas à pas, je sais tellement que l'amour a ses lois, s'ils vont le sauver, alors écoute-moi. Natacha Saint-Pierre, c'est pas mal. Oui, c'est génial. C'est pas mal, c'est remis un peu au goût du jour, tu vois. Oui. Ça bouge. Alors là, maintenant, on va écouter Frédéric François. Alors, Frédéric François a sorti un album de duo. Ah. Ouais, il a invité tous ses copains, copines, chanteurs, chanteuses, tout ça, voilà. Super. Ouais, c'est pas mal, il est pas mal son truc. Bon, bien sûr, il chante tous ses succès. Oui. Alors, bon, il y a Jean-Baptiste Guégan. On va écouter donc cette version, Juste un peu d'amour avec Jean-Baptiste Guégan. Mm-hmm. Ça fait drôle un petit peu parce que c'est vrai que Jean-Baptiste Guégan, c'est la voix de Johnny, en fait. Hein. Ah. C'est vrai que voilà, il y a une superbe voix et tout. Donc c'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Et puis c'est vrai que au début comme ça, je veux dire que c'est mon ressenti à moi, mais on n'imaginait pas Frédéric François avec Johnny, tu vois. C'est pas le même univers musical. Non, mais ils sont bien copains tous les deux. C'est vrai que mais c'est sympa leur duo. Puis quand on les voit, il y a un clip sur YouTube, c'est sympa. Ah. C'est cool. Donc Jean-Baptiste Guégan, on leur entendra sur une chanson suivante puisqu'il a fait aussi un. Alors là, ils chantent avec Sarah Brightman. Ils ont fait une belle chanson. Et puis donc il y a Jean-Baptiste Guégan, il y a Rock Voisine. Ah, il y a Rock Voisine. Je sais que vous aimez bien Rock Voisine. Ah oui. Voilà. Bon, pour l'instant, donc du CD de Fredo, hein, de duo, il nous chante juste un petit peu d'amour, juste un peu d'amour avec Jean-Baptiste Guégan. On écoute. Que cherchent tous ces gens qui s'endorment sans un mot? Mais que veulent tous ces gens qui se couchent le cœur gros? un sourire, un regard, une lumière dans le noir, juste une main qui se tend. Un éclair, un espoir, la tendresse d'un soir qui se donne et que l'on prend. Juste un peu d'amour, rien qu'un peu d'amour. Pas de long discours, juste un peu d'amour. Une épaule où se poser et dans tes bras se serrer. On a tous besoin. Rêve tous ces gens qui se perdent dans la nuit. Mais que cherchent tous ces gens qui sont seuls, démunis? La douceur d'une voix, tous ces mots que l'on croit, ne serait-ce qu'un instant. Des yeux comme un miroir et l'envie de s'y voir, plus belle ou plus beau qu'avant. Un peu d'amour, rien qu'un peu d'amour. Pas de long discours, et juste un peu d'amour. Une épaule où se poser, et dans tes bras se serrer. On a tous besoin. Fredo et Jean-Baptiste Guégan, c'est incroyable. Pas mal, hein. C'est vrai qu'il a une superbe voix et il ne force pas, hein. C'est ça, je vais y arriver, 1, 2, 3, c'est sa tessiture de voix. Oui. Donc voilà, et puis tu vois dans la chanson suivante avec Rock Voisine et Sarah Brightman, donc ce titre, ça ne vient pas, en fait c'est un titre de Rock Voisine qu'il avait chanté avant, Rock Voisine. C'était repris par Sarah Brightman, c'est une chanteuse, je pense que, je sais plus, elle est pas trop dans la variété, c'est plus peut-être dans le lyrique, enfin je sais plus trop, mais bon, enfin voilà. Mais c'est pas mal, hein. Donc ils chantent tous les trois, voilà, Rock Voisine, Sarah Brightman et Jean-Baptiste Guégan. Alors tu verras, bon, j'ai pas cette chanson-là, j'ai jamais réussi à la clipper sur YouTube. D'accord. C'est le teaser, c'est le ah oui, d'accord. Tu vois, donc tu verras, il y a un moment où il parle, tu laisses, ça c'est rigolo. Oui. Surtout à la fin aussi. D'accord. Ok. Je l'ai jusqu'au oui, bout. Tu l'as jusqu'au bout. Non, mais c'est pour ça que je te le disais, parce que bon, voilà, il parle un petit peu, mais on peut quand même entendre la chanson. C'est quand même pas trop mal. D'accord. Mais elle existe que sur le CD. Quoi. Elle existe que sur le CD. D'accord. C'est fou. Hein. Bah c'est comme en ça. En général, on trouve. Bon voilà. C'est un argument de vente. Oui, bien sûr. On écoute. Ne viens pas. Enfin si, tu peux venir. Ne viens pas, d'avoir été l'élu, je dirais, pour chanter avec Sarah Brightman et Ron Voisin. Pas, c'est pas une chanson facile à chanter, mais en même temps il faut quand même lui donner un peu de ses tripes, quoi. C'est un hommage à ce beau pays qu'on aime tant. Ne viens pas si un jour tu devais repartir. France, l'album de Sarah Brightman. Ouais, tu peux venir. La chanson, elle s'appelle Ne viens pas, mais bon. C'est marrant. Je vois. Ah, tu vois quoi ? D'accord. Voilà, c'est qu'un teaser, hein, forcément. Ils c'est mettent rigolo. Un petit peu de voix pour, je pense, pour que, voilà. Bah oui. Qu'on évite de piquer la chanson. Oui, oui. Voilà. Alors maintenant, on va écouter une chanson qu'a choisie mon invité, ma petite fille Enola. Donc Enola, je crois que tu voulais écouter. Dis-moi voir, c'est ce que tu voulais écouter. Isabelle Boulet. Isabelle Boulet, le titre, tu sais le titre ? Début octobre. Début octobre, si fin octobre. Ah voilà, c'est très bien. Oh, c'est beau. Oui, c'est beau. Alors on écoute Isabelle Boulet. Ok. Merci. Octobre, début novembre, le ciel est rose et bleu lavande. Seul dans la foule de Montréal, je marche, je cours sur Mont-Royal. Les arbres ont perdu leurs habits, les merles bleus ferment leur nid. Chemin de terre, bonne cadence. Mon amour, tu me manques. C'est fin octobre, début novembre. Ma main te cherche dans sa balance. Un beau dimanche sur Saint-Laurent. Toutes les odeurs sont là tout le temps. Les langues sont un joli bordel. Si loin de la tour de Babel. Moi, c'est ta voix que je veux entendre. Mon amour, tu me manques. C'est fin octobre, début novembre. Ma ville s'endort en ton absence. Mais dis-moi, quand reviendras-tu? Pour rire sans toi, c'est peine perdue. T'es rare comme une étoile filante. Je vais pas de vœux, j'ai pris une chance. Je garde ton odeur dans la chambre. Mon amour, tu me manques. Le ciel est rose et bleu lavande. Seul dans la foule de Montréal, je marche, je cours sur Mont-Royal. Les arbres ont perdu leurs habits, les merles bleus ferment leur nid. Chemin de terre, bonne cadence. Mon amour, tu me manques. Voilà Isabelle Boulet. C'est bien le choix. Ah oui, Anola. C'était joli. C'est beau, c'est joli. Je sais, c'est un moment qui a dû lui donner le... Ah. Parce que j'ai eu l'occasion d'avoir Isabelle Boulet aux Zénith de Nancy. Génial. Et le jour-là, j'y étais allé avec ma fille Angélique. Donc la maman d'Enola. Donc je pense qu'elle a dû lui passer le... Ah, l'amour d'Isabelle Boulet. L'amour d'Isabelle Boulet. C'est génial. Ouais, c'est pas mal, hein. Amenez vos enfants comme en concert. Nos, hein. Comme quoi nos jeunes enfants aussi écoutent encore des artistes. Hein. Voilà, c'est bien. Alors là, on va partir un petit peu pour la France, l'Allemagne. Oui, je veux dire, appelez-nous. Bah oui. 0-39-62-40-40. Voilà, on est là, on vous reçoit, tout ça. Faites-nous un petit coucou. Bah oui, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir, soyez pas timide. Voilà. Donc là, on va écouter Tom Matisse. D'accord. Alors, Tom Matisse est un chanteur, un très beau chanteur, très comment dirais-je. Il chante en français, il chante en allemand. Oui. Il commence à faire une belle carrière en Allemagne. D'accord. On le recevra en fauneur le 28 avril. Ah, génial. C'est bien. Super. Voilà. Et là, on va pas diffuser un titre de son tout nouvel album. On a l'autorisation, bien sûr, de son nouvel album. Une exclue. La vie est belle, une exclue. Tiré de son album, donc il nous présentera le 28 avril, tiré de son album Schön ist das Leben. D'accord. Voilà. Hein? La vie est belle. Deutsch. Ouais, la vie est belle. Voilà, on écoute Tom Matisse, c'est parti. Manchmal streiten und mit Herz und Seele leiden. Es gibt immer einen Ausweg, ganz bestimmt. Denn auf einer Tour gewalten würde ich immer zu dir halten, bis unsere Sehnsucht gewinnt. Unsere Herzen versöhnt und wir fühlen, das Leben ist schön. La vie est belle. Es liebt dich, wenn's fühlt, dass du's auch liebst. Es nimmt dir den Schmerz und erlöst dir wieder dein Herz. La vie est belle. Es schenkt dir ein ganz anderes Leben. Macht dir wieder Mut, fühlt dir Lebensfreude ins Blut. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Es liebt dich, wenn's fühlt. Den Schmerz und erlöst dir wieder dein Herz. Auch wenn vieles manchmal schief geht und die Sonne oft zu tief steht, schau genau hin und dann merkst du, bald wird's gut. Oft kann dir das Leben eben nicht viel Licht und Wärme geben, doch dir bleibt trotzdem genug. Wenn die Liebe dich liebt und dir das, was dir fehlt, wieder gibt. La vie est belle, es liebt dich, wenn's fühlt, dass du's auch liebst. Es nimmt dir den Schmerz und erlöst dir wieder dein Herz. La vie est belle, es schenkt dir ein ganz anderes Leben. Macht dir wieder Mut, fühlst dir Lebensfreude ins Blut. La vie est belle. Wenn's fühlt, dass du's auch liebst, es nimmt dir den Schmerz und erlöst dir wieder dein Herz. La vie est belle, es schenkt dir ein ganz anderes Leben. Macht dir wieder Mut, fühlst dir Lebensfreude ins Blut. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Voilà, Thomasis, La vie est belle. Tu vois, c'est un chanteur romantique, chouette, mais avec des sons modernes. Tu vois, c'est, ah oui, c'est bien, bouge. C'est pas mal. Ça oui, bouge. Oui, oui, oui. Donc voilà, il nous fera découvrir ce bel album. Bon, on a hâte. Prochainement, tu seras là. Bah, j'espère bien. 28, hein. Ah oui, oui. Je serai revenu. Voilà. Alors maintenant, on va écouter une nouvelle. Qui est connue, bien sûr, nouvelle artiste québécoise. Oui. C'est vrai que la semaine dernière, on a fait des artistes québécois, oui, et québécoises. Oui, c'était une spéciale. Là, c'est, hein, c'est une découverte pour nous, mais bon, voilà. Elle s'appelle Lynn LaChapelle. D'accord. Elle est à l'écoute. Oui. Alors, on lui fait des bisous, oui. Voilà, des bisous, plein de bisous de France. J'ai reçu les fichiers, en fait, de ses chansons, c'est pas mal. J'ai fait un choix sur un de ses CD. Et voilà, donc, elle est auteur-compositeur. Génial. Elle est auteur-compositeur, Lynn. Et voilà, donc, j'espère, je lui fais un petit coucou. Si elle veut composer une chanson pour moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors là, on va écouter, comment j'ai marqué ça, ouais. Comment on sera heureux. Comment on serait heureux, oui, toujours, oui. Je peux pas me dire. Bon, on écoute. Allez. On écoute. J'aurais aimé t'aimer sans cesse, t'aimer jusqu'à la fin de l'amour, t'aimer plus fort que je t'aime. J'aurais voulu t'offrir mon cœur, mes joies, mes peines et toute ma peur, sans te demander rien en retour. Serais heureux ensemble pour te chérir soir et matin. J'aurais aimé avoir les mains, les doigts agiles d'un magicien. J'aurais voulu t'avoir à moi, t'avoir comme si je ne t'avais pas, t'avoir encore la première fois. Pour te garder, je n'hésiterai pas à prier Dieu ou le démon. J'inventerai même un monde rien que pour toi. Je ferai vibrer tous les violons qui dans mon cœur chantent ton nom. Je composerai même un hymne à ta grandeur. Ma vie ne serait pas une vie, je ne serais pas une amante si toi tu n'étais pas un homme. Esquisse de rêve chatoyant, image d'une douce mélodie que je garde au creux de mon âme. Je rêve toujours de te garder pour toute l'éternité. Ensemble, on serait heureux. J'irai pour chasser le bonheur, le vaincre et puis l'emprisonner pour le déposer à tes pieds. Je rêve toujours de te garder pour toute l'éternité. Ensemble, on serait heureux. Belle balade. Ah oui, c'était joli. C'est joli, hein, ouais. Alors on va retrouver Manon Grenier que nous avions eu en sonneur samedi. Samedi dernier. Et voilà, j'ai dit tiens, on va écouter ce titre. J'aime bien ce titre-là. Chalala, nous on aime la musique. Allez, on écoute. Allez, c'est parti. Yes. Cette belle chanson revient toujours et ne change que son refrain. Et la musique s'installe dans nos cœurs pour redonner des airs de joie, de bonheur. Oh, oh, cha-la-la-la-la, cha-la-la-la-la-la, nous on aime la musique. Cha-la-la-la-la, cha-la-la-la-la-la, nous on aime chanter. Oh, oh, nous on aime la musique. Chercher le chagrin qui vous dévore pour vous faire rêver l'instant de moment. Oh, oh, cha-la-la-la-la, cha-la-la-la-la, nous on aime la musique. Cha-la-la-la-la, cha-la-la-la-la, nous on aime chanter. Yeah. J'aime bien cette chanson-là, moi. Oui, ah, c'est vrai, c'est entraînant. Hein, c'est vrai, c'est sympa, voilà. Je refais encore des bisous à Manon. C'est des fois que si elle nous écoute. Mais je m'étais permis de l'accompagner dans Salut les amoureux la semaine dernière. Oui, c'est vrai. J'ai réécouté et puis je trouvais que c'était pas trop mal. Ah, c'était vraiment très bien. Ouais, c'était pas trop mal. Oui, bon, oui. Je voulais pas non plus, voilà. Mais j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Alors, ben oui, je crois. Hein. Alors là, on va faire une petite pause tendresse avec Seb Prestart. Tu sais, notre ami Sébastien, qui est des Hauts-de-France accordéoniste chanteur. J'aime bien sa voix, moi. Il chante bien. J'aime bien ce qu'il fait aussi. C'est vrai. Alors ça, c'est Histoire de nos amours. Je revois ton visage, toi l'éternel amour que je garde en moi. Une lettre, une image, blottie dans un tiroir en souvenir de toi. S'il suffisait de dire tout haut une formule magique s'il faut, simplement réécrire les mots d'amour qui m'ont fait te connaître. Après tant d'amour, je crois, je t'imagine auprès de moi, échanger nos caresses, vivre des nuits tendresse, pouvoir imaginer un jour chanter l'histoire de nos amours. J'aimerais tellement me transporter, être au jour où l'on s'est aimé. je t'imagine auprès de moi, échanger nos caresses, vivre des nuits tendresse, pouvoir imaginer un jour, chanter l'histoire de nos amours. J'aimerais tellement me transporter, être au jour où l'on s'est aimé. Voilà, Seb Prest, c'est un beau boléro. Et oui. Ça fait du bien, hein, comme ça, petite danse comme ça. Voilà, eh bien, on va repartir en danser. De toute façon, on retrouve notre ami Dan, Daniel Dan, que nous avions reçu jeudi dernier. Et oui. Et là, il nous très sympathique. Très sympathique, hein, voilà. Et il nous interprète, là, venez chercher madame. Allez. Sûrement pour danser. Ah oui, hein, c'est vrai. Tu te souviens ? On écoute. Sur la piste, les musiciens n'attendent que vous. Le premier tour est déjà passé, comme une fleur vous vous êtes envolé, dans vos jambes de la dextérité, comme dans le temps de vos 16 ans. Allez monsieur, venez chercher madame. Sont déjà sur la piste, les musiciens n'attendent que vous. Vous voyez bien que vous avez le rythme, les pas se font tout naturellement. Tous les amis sont vraiment convaincus que vous avez déjà dansé. Allez monsieur, venez chercher madame. Sont déjà sur la piste, les musiciens n'attendent que vous. Allez monsieur, venez chercher madame. Sur la piste, les musiciens n'attendent que vous. Allez monsieur, venez chercher madame. Venez danser, elle n'attend que vous. Tous les amis sont déjà sur la piste. Les musiciens n'attendent que vous. Les musiciens n'attendent que vous. Daniel Dan, voilà. Et quand on va chercher madame pour danser, eh ben au Québec, on dit la madame, elle est contente. J'en apprends des choses. Non, mais c'est vrai. Voilà, pour la petite note du mot. Okay. On va continuer un peu avec le country, avec Patsy P, que nous avions reçu en phoneur, oui. Si tu te souviens, Lia. Ah oui, donc, je me souviens. C'était l'année dernière, je crois. J'ai plus le. Si, je devrais l'avoir, mais je n'ai pas cherché la date exacte. Elle a refait un nouveau single, Patsy. Ah. Et c'est, ce titre, c'est Tribute to Dolly Parton. Dolly Parton, il faut savoir, c'était une grande dame du, oui. du country aussi. Voilà. Tout à fait. Alors, on écoute ce titre. Voilà, c'est parti. Oh, Voilà, Patsy, que on vient d'écouter avec ce nouveau single. Alors, je lui fais un petit coucou parce que je sais qu'elle ne pouvait pas être à l'écoute cet après-midi, mais elle a dit qu'elle écouterait sur le podcast. D'accord. Voilà, donc, Patsy, on vous fait des bisous. Et cette émission sera bien entendu rediffusée ce dimanche à 18h. Voilà, et puis voilà. Remise en podcast comme à la commune. Bien sûr. Mais, hein, bien sûr. Hein, voilà. Et bien voilà, l'émission se termine tout doucement. Voilà, pour ces petits coups de cœur. Bon, ben, il y en aura des prochains, hein, forcément. Oui. Parce que voilà, la semaine prochaine, on fait une pause. C'est bien ça. C'est bien ça, je suis en vacances. Voilà, on fait une pause la semaine prochaine. Le 28, on aura Tom Matisse. Oui. Voilà. En studio ou au téléphone? Mais écoute, non, je pense plus au téléphone. Il était pas mal occupé. Il est déjà venu en studio, Tom. Hein, voilà. Je ne vais pas dire que c'était dans le début de sa carrière, parce qu'il a fait pas mal de choses. Déjà, d'ailleurs, il fête ses 10 ans de carrière chez lui au mois de juillet. J'ai plus la date exacte là, mais... Incroyable. Et on est invité aussi à venir le voir. Super. On verra avec lui. Voilà, mes auditeurs, auditrices, l'émission se termine tout doucement. Je fais un petit au revoir à Enola. Enfin, je fais un petit au revoir, repartir ensemble, bien sûr. Puis on se fait un petit coucou. Au revoir. Au revoir. Merci Lia, comme avec plaisir, comme pour toujours. La régie son et tout, et pour ta collaboration. Donc on se retrouve bientôt. Ce soir, tu... Ah non, ce soir, j'ai rien. D'accord. Non, ce soir, j'ai rien. Okay. ce sera pour la prochaine. Bye à tous, portez-vous bien et à bientôt. Mais oui. Docteur en bonne humeur, une chanson ça sert à ça. Je vais te réparer le cœur si tu viens chanter avec moi. Ça ira mieux, ça va toujours.